ja bakanja kamata kwanga iseboya lobimna bakanja bakanja kamata kwanga bakanja bakanja kamata mongbele runganga betinga injambi nari mukristo nikamuyanga nai ikusiko pepa njakumba Bana na ilanga na kondalo ya kato leke nsambu imila Champion Esthetique Losa komo kula ka Jose Nundo Toko so ikula Toko so insansua To leke nsambu Aiko Nkyomba Aiko Nkyomba Aiko Nkyomba Robert Lobota Celebo Fango Pele Mongo A Jolie Beta Komando Motote Gokila Lokondo Bana lelo yo Bana lelo yo Kanga bilo kona yo Kende pana bino Haritu bini babosia Matatana bango ye Matatana bango Balaza simisi Asika ye Kanga buto Ay mama Alpha Ngongo Chateau do Mita Harmonite Motema ya Alpha Morflip Jeannette Bonpetti, Bob et Maver, Antometa Chabert, William Saïla, Juju Njoli. Abe Pongo Liyaliyao, Abe Pongo Njoyo Lili, Kase Pongo Liyaliyao, Fonoma, Abe Pongo Njoyo Lili, Abe Pongo Lilimboyo, Imbusa, Abe Pongo Jojo Lubanzila Yahweh, Abe Pongo Maboza Andi, Le Champini Boulanga La José Ikote, Abe Pongo Sele Wadidoye, Naka Luji Sembadwa Kasha la mula Simba Piboto Ale Versas Maître Majuda Pati Lomboto Jado Mombombe Maître Manix Ya Chuke Lomboto Saka Nenge Saka Nzoto Mama Yala Wanda Wanda Ale Top Wanda Ale Top Wanda Ale Mateketa Ale Mateketa Ale Mateketa Ngeza Loketo Ngeza Loketo Kiesa Mo Kiesu Pacho Erefi Gelon Masungu Ale Panami Bale Tomo na Bobo Tatin Simba Titas Katadi Ikenda, dadi matundu Wala, ale to simba loketo Nyata, wala, usakunda Iyaka, ale mateketa, ale mateketa Kese mo yeso, kese mo yeso Kef kabamba La basi, atombo na meshe Shili wasenga, chuchulu ambo Mama wiva, kukutoya Wala, ale to simba loketo Nyata, ale, simba, ale Puka loketo, ale, puka loketo Ale, puka loketo Aniata, voilà, Simba Luketo, Aniata, qu'est-ce que vous Allez, tout le monde, levez les mains. Maître Kim, haute tension, Kevin Kaswa, Yves Abdallah, RDG Yatuk TV, papa attrape maman, et maman peut attraper papa. Touchez les réales, touchez les réales, bougez les réales, bougez les réales, tout danser, allez, tout zinga Luketo. Ale to busa, ale to wanda, kese mo yeso, kese mo yeso, ale mategeda, poso na mbonda, poso na mbonda, Sankara de kuta blaze lima, sega, sega loketo mwana, anyata, ale mategeda, wala mategeda, ale, kito nyoso, topo na miziki, Boyo Caribe Sente, 144 a Bruxelles, ah, menikiafu, tumu kubatata musi, yo ibaru kiri feti mengila, kiafu koko, Bibi Chanteau pour maman na Alison, J.R. Milam. Jeff et Mabich. Jean-Jacques Kikela. Apocalypse. Panis Tuanga. L'arrêt de père triple, Freddy Itafa, Alain Mouquet. Yves Junior Zoko, Freddy Maloua Djoubek. Azoumé, Azoumé, Nassi, Matumona Rume, Abobika la Franki Kamila, Jolima. Kala, Bijou Binanga très fort, Patrick Ilanga na Zolé. Jean Koumi, Pata Kimbala, l'archevêque, Garcia Moma, Omax et Chibouille, Karine et Guité, Tennisia Fala. Mama, Dad, Nia de Sima, allez, Chabana de Bina, Juan, Chabana de Nigala, Chabana de Nigala, Chabana de Bouger, Chabana de Bina, de Bina, ah, de Nigala, allez, Bina, Nanda, Nassé. Joseph Kambala, président Williams, Ali Milima, Nyata, Maître Willo Lulembe, Iti de Montiguile, Kimalifio, Maître John, le leader, Riso Bolondo, le grand chéri, Ali Simba Yena Mabou. Patrick et Moubinga na Orléans. Kimafio, Mamana Alpha, et me va taper Patrick et ma coda.